La date et l'heure. Part 1. Writing the date in full. Examples. Le mardi 18 juin 2004. Mardi 18 juin 2004. Edmonton, le 1er mai 1998. Part 2. 8 heures. 16h45. 20h10 minutes 5 secondes. At the bottom. Vous êtes convoqué pour 9h30. C'est le 1er mars.